Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Même le bon Dieu ne peut pas satisfaire le monde. Les étrangers se sont retirés et les malgaches, eux, continuent à s'interroger. Pourquoi ne réussissons-nous pas? C'est la grande île du sud-ouest de l'océan Indien, Madagascar. À la fin de l'année 2001, l'élection présidentielle qui s'y déroule l'a fait basculer dans des mois de violence extrême. Marc Ravalomanana, le candidat qui s'est présenté face à Didier Ratsikara, président de Madagascar depuis 1975, s'estime vainqueur de l'élection dès le premier tour, refuse ainsi le second, déclenche une grève générale sur l'île, avant de s'auto-proclamer deux mois plus tard chef de l'État. La réprobation internationale a beau être unanime, rien n'y fait. Ravalomanana, auto-proclamé président, entame un bras de fer d'une rare violence avec le président qui refuse de céder sa place, Ratsikara. Dans bien des grandes villes, il existe de ces places, de ces boulevards, témoins systématiques des grands ou des petits bouleversements historiques. On y défile, on y manifeste, on s'y confronte aux forces de l'ordre, mais ce sont des lieux de rendez-vous évidents, incontournables. À Antananarivo, la capitale de Madagascar, il y a ainsi deux lieux de retrouvailles. Ce sont la place du 13 mai et l'avenue de l'indépendance. Une indépendance qui a placé l'île dès 1960, à l'heure de la décolonisation, dans la perspective d'une rencontre avec elle-même, avec ses richesses, au premier rang desquelles bien sûr l'agriculture, favorisée par un climat des plus généreux, une capacité d'exportation de viande non négligeable et une pêche généreuse qui se placera bientôt au deuxième rang des exportations. Une industrie assez concurrentielle, notamment dans le domaine du textile. Bref, de sérieux atouts. Mais également des faiblesses considérables. Une immaturité politique qui en 1960 est des plus flagrantes et qui va en peu de temps laisser s'installer la corruption sur l'île avant de l'institutionnaliser. La corruption, véritable aspirateur des richesses, qui place aujourd'hui Madagascar au rang des pays les plus pauvres du monde, avec un PNB ne dépassant pas 250 dollars par habitant et une économie sous perfusion. Le taux de croissance affiche 6% et sur les 15 millions d'habitants de l'île, 12 millions vivent dans une quasi-misère. Une semaine pour revenir donc sur l'histoire de Madagascar, semaine qui se conclura avec la rencontre vendredi de Gaël Mocquer, réalisateur d'un documentaire sur Madagascar intitulé « Quand deux présidents se font la guerre ». Madagascar, une histoire bien vivante. Chapitre 1. L'île de la soumission. Un diplomate avait coutume de dire à propos de Madagascar, plus je la connais et moins je la comprends. Mais les Malgaches semblent en être au même point. Ramaouli Miassou au micro de Michel Thérapon. Non seulement nous ne savons pas exactement d'où nous venons, de la lointaine Océanie ou de l'Indonésie, il n'y a aucun écrit, il y a juste la langue dont les racines plongent dans ce pays lointain. L'autre énigme, c'est concernant le pays lui-même. Des tentatives ont été faites aussi bien de l'étranger que par les Malgaches eux-mêmes pour mettre en valeur le pays, pour exploiter les produits du pays, parce qu'on considérait le pays comme riche, renfermant des produits aussi bien souterrains que des produits agricoles immenses. Or, tous ceux qui se sont penchés à Madagascar ont été déçus, les étrangers se sont retirés et les Malgaches, eux, continuent à s'interroger pourquoi ne réussissons-nous pas. C'est une longue bande de terre de 1500 km qui en fait la troisième île du monde. En plein océan Indien, Madagascar a un voisinage aux dimensions les plus variées. On passe du modeste, Maurice, la Réunion, à l'immense, le continent africain. Le voisinage n'est pas le seul à offrir de la variété. Le relief n'est pas non plus en reste. On trouve presque de tout sur Madagascar. Des hautes plaines, des collines, des formes volcaniques, chaotiques, des cuvettes, des deltas. Et l'océan Indien qui cerne imperturbablement les 5000 km de côte. Le climat, on a parlé de climat propice à la richesse agricole, il faut en dire un peu plus. Il y a une situation géographique qui place Madagascar dans une circonstance particulièrement heureuse, notamment sa côte nord-ouest. La saison des pluies y est des plus limitées, et particulièrement nocturne. Ce qui n'empêche les zones plus malchanceuses, ainsi le sud, où les pénuries d'eau sont fréquentes. Mais ce qui sans doute place le plus Madagascar dans une incertitude de tous les instants, c'est sa situation cyclonique. Quand les vents de 200 km/h balaient l'île, détruisant indistinctement les vies tout autant que les infrastructures, Madagascar se retrouve sur un champ de ruines et au milieu de la désolation, compte ses morts. "305 morts, 23 disparus, 144 blessés, 83 000 sinistrés sans abri et 85 000 sinistrés partiels. En annonçant que le gouvernement français débloquerait 1 milliard de francs en faveur de Madagascar, M. Robert Lecourt a exprimé sa satisfaction à propos du travail accompli par les équipes de secours. Je dois dire toute mon admiration de l'œuvre qui vient d'être accomplie depuis 3 semaines, et spécialement par les cadres militaires et les techniciens des travaux publics des chemins de fer, et d'une façon générale l'encadrement de la France d'outre-mer, dont la réalisation la plus claire va être le rétablissement de la ligne de chemin de fer avant le 1er mai, battant ainsi tous les records de vitesse, de raccordement et de déblaiement des dizaines de milliers de tonnes de terre qui étaient tombées sur la voie. Oui, c'est encore en 1959 le gouvernement français qui sort son portefeuille pour venir en aide à Madagascar. Cela fait un certain temps que des hommes et des femmes de l'Hexagone ont mis le pied dans la région. Dans cette région où la tradition et l'histoire des peuplements ont installé depuis les temps immémoriaux des populations toutes différentes qui débarquèrent là par vagues successives. Chacun y amena sa culture, ses connaissances. Les uns apportèrent l'irrigation, la pirogue à balancier, les autres la culture sur brûlis. Les premières tentatives d'implantation européenne remontent à l'inévitable période de la Renaissance. C'est bien là que l'Europe lança à l'assaut des mers du monde ces frégates conquérantes, attendant impatiemment de scruter l'étendue des richesses qu'elles pourvoiraient à leur retour. Concernant Madagascar, c'est un Portugais, Diego Diaz, qui approche le premier les côtes, inaugurant une vague de comptoirs qui s'installe là et concurrence le commerce arabe. Les Français débarquent un peu plus tard et se hâtent de trouver une appellation afin de conclure en pied de nez ce qui avait été une course de vitesse entre eux et les Anglais. L'île est donc baptisée à la hâte Dauphine. Mais les Français ont sous-estimé la résistance autochtone. Omnubilé par les ennemis de toujours de sa très gracieuse majesté, les Français ne prennent pas garde et sont obligés manu militari du jour au lendemain de déguerpir de l'île Dauphine direction l'île du Bourbon, autrement dit la Réunion. Au XVIIIe siècle, Madagascar a tous les ingrédients de l'île de toutes les aventures. C'est un repère de pirates tout autant français qu'anglais qui décourage à maintes reprises les projets de nouvelles colonisations. Chapitre 2. L'autochtone met les bouchées doubles. Les communautés locales comprennent vite qu'elles ont à y gagner en s'organisant et en se structurant en entités politiques. Mais cette organisation, comme presque partout ailleurs, se fait forcément sur le dos des uns et à l'agrément des autres. En l'occurrence, ceux qui subirent furent les Salakava et ceux qui sortirent grands vainqueurs furent les Ménina. L'homme qui réalise l'unité sur l'île lance un défi à la prononciation de son patronyme, patronyme constitué de 20 lettres. Adrianam Poenimirina. L'homme est inflexible, mais pragmatique. Son rejeton, inquiet de voir à nouveau la France prendre pied sur l'île, opte lui pour la préférence anglaise. L'armée britannique forme alors des officiers, les missionnaires fondent des écoles, mais la réaction contre la culture européenne est de loin la plus forte. Les missionnaires britanniques sont les premières victimes de ce rejet, les Français en profitent et jouent la carte de l'opportunisme. Au total, la rivalité franco-anglaise va occuper quasiment 150 années de l'histoire de l'île. En 1856, on peut croire un temps les Anglais vainqueurs. Ils sont parvenus à revenir sur l'île, après y en avoir été chassés, mais à leur tour, ils perdent l'appui précieux qui leur venait du monarque de l'île, qui disparaît brutalement de son trône, assassiné juste un an après son avènement. Les Français décident alors de jouer leur carte très loin de l'océan Indien, à Berlin. À Berlin, où en 1885, on répartit les colonies pour chacune des grandes puissances. L'Angleterre est de loin la mieux servie, la France en profite pour mettre la main sur Madagascar et l'intègre ainsi dans son vaste empire colonial. Mais, à la mesure de l'histoire, les victoires des empires sont toujours éphémères. Dans quelques instants, la France fout le camp, reste l'île. Mam Hassana, chanteuse centenaire, a connu les débuts du siècle dernier. Elle joue aussi du valila, instrument typique malgache, et fut découverte par l'Occident au début des années 90, peu avant son décès, en 1997. Mam Hassana interprète Somodrara. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Histoire vivante sur la première. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. La France a eu le dernier mot sur l'Angleterre et a ravi Madagascar à sa très gracieuse majesté. Mais sur place, la situation est loin d'être assagie. Deux professionnels des opérations de pacification à la française, Gallieni et Lyautey, entreprennent donc de mater la résistance à la domination étrangère qui s'entête contre vents et marées. Mais quelques inconnus persistent quant à cette résistance. Est-elle purement et simplement regroupée contre l'étranger ou est-ce la preuve de rivalités ethniques remontant au plus profond des temps? Ou bien les deux à la fois? Un mouvement de résistance va cependant très clairement se démarquer, autant par sa détermination que par ses objectifs. C'est une société secrète, baptisée d'un nom de code, fort mystérieux. Chapitre 3. La méthode assimile, une méthode pas facile. VVS, ce qui signifie Vi Vato Sakelika. Entendons par là fer, pierre, ramification. L'affaire de la VVS affole littéralement l'administration française au moment où la France a bien d'autres chats à fouetter. Nous sommes en 1913, au bord de la Première Guerre mondiale. Vi Vato Sakelika s'avère être une société secrète qui se serait développée dans le milieu intellectuel protestant, médecin, pasteur, instituteur, et serait liée au mouvement de renouveau culturel qui s'efforce de faire la synthèse entre la culture malgache et la modernisation dans le contexte colonial de l'époque. L'inspiration nationaliste, on évoque à l'intérieur du VVS la patrie malgache, incite le colonisateur à y voir un complot. Les sanctions sont sévères, les 41 condamnés, dont 34 aux travaux forcés, seront finalement amnistiés, mais bien plus tard, seulement 1921. Cette revendication de la patrie malgache est cependant bien loin d'être la seule revendication. Une autre est aussi en tête des protestations et des exigences, c'est l'assimilation effective. Car si les textes le prévoient, le terrain, lui, n'en a cure. Ils sont une poignée à avoir la citoyenneté française, les autres peuvent attendre. Un homme, un instituteur, Jean Ralemongo, engagé volontaire pendant la Grande Guerre, défenseur des paysans malgaches du nord de l'île, soutenu par la bourgeoisie commerçante tananarivienne et aussi par certains colons français, devient alors la figure de proue du mouvement national malgache. Son journal, L'Opinion, fondé en 1927, dénonce les abus de cette colonisation. Le point culminant de la contestation est la grande manifestation du 19 mai 1929 à Tananarive qui se déroule au cri de « Madagascar aux Malgaches ». Le refus de l'assimilation, toujours promise et toujours repoussée, a naturellement conduit au rejet de la domination coloniale. L'idée de l'indépendance commence à gagner les esprits. La Seconde Guerre mondiale et la défaite française vont marquer profondément Madagascar, coupé géographiquement et politiquement de la métropole. L'interruption des communications accroît l'isolement de l'île, île du bout du monde, est toujours perçue comme telle dans les années 40. On dit que Hitler aurait envisagé à un certain moment d'y implanter une colonie juive. Tous ces événements, le blocus économique, la remise autoritaire au travail et l'institution d'un office du riz désoriente et agite les esprits. En 1947, c'est le bouleversement. Chapitre 4. Une année insurrectionnelle. En 1947, la grande île compte 4 millions d'habitants, dont 35 000 Européens. L'insurrection qui embrase l'île prend au dépourvu les colons ordinaires établis sur place, mais ne surprend pas plus que cela l'administration française. Les services de la sûreté, dirigés par le commissaire Marcel Baron, sont en effet au courant de la préparation d'une insurrection grâce à des agents malgaches infiltrés dans les sociétés secrètes. Mais ils ne font rien pour l'empêcher. Trois jeunes parlementaires malgaches du MDRM, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache, qui ont gagné par leur élection le droit de siéger dans les assemblées de la 4e République, sont aussitôt informés du projet d'insurrection. Ils diffusent immédiatement après dans les villages un télégramme demandant instamment à chacun d'éviter les violences, mais leur appel est sans effet. Les autorités françaises allant même en certains lieux arracher leurs affiches. L'insurrection rapproche les paysans des hauts plateaux en révolte contre la misère et les élites. Dès le mois d'avril, les autorités envoient à Madagascar un corps expéditionnaire de 18 000 hommes. Celui-ci sera porté jusqu'à 30 000 hommes. En métropole, Le Figaro et L'Humanité parlent du soulèvement, mais le gouvernement et l'ensemble des organes de presse minimisent son importance et ne disent rien de la répression. L'opinion publique, il est vrai, est alors plus préoccupée par le rationnement, les grèves et la guerre froide. En 20 mois, la pacification va faire 89 000 victimes chez les Malgaches, 1 900 côté force coloniale. L'armée française va procéder à des tortures, des exécutions sommaires, des regroupements forcés, des mises à feu de villages. Pour la première fois, elle expérimente une nouvelle technique de guerre psychologique. Des suspects sont jetés vivants d'un avion pour terroriser les villageois de leur région. Le gouvernement de Paul Ramadier fait porter la responsabilité de l'insurrection sur les trois parlementaires du MDRM. Les députés, y compris l'extrême-gauche communiste, lèvent sans rechigner leur immunité parlementaire. Ils seront arrêtés, torturés et deux d'entre eux condamnés à mort. Leur peine, heureusement commue en exil. Mais à la radio, en 1947, quand on parle de Madagascar, ce n'est en aucun cas pour évoquer de telles horreurs, même si l'on convient, un mot choisi, qu'il faudra peut-être opter pour certaines retouches. Je crois qu'au point de vue missionnaire pur, nous serons obligés de changer peut-être un peu notre action habituelle et d'aller peut-être plus en profondeur et peut-être d'abandonner un côté de travail social et de marcher beaucoup plus vers une recherche de force spirituelle. Les missions, à un certain moment, ont ouvert la voie à tout le domaine social, école, hospice, léproserie, etc. Tandis que maintenant, l'administration a repris la plupart de ces choses-là, le système scolaire est très développé, et maintenant, je crois que le travail missionnaire doit maintenant se préoccuper surtout des questions morales et spirituelles, mais je dirais surtout spirituelles. Monsieur Ishak, je me demande si vous éprouvez, vous, de votre côté, l'envie de retourner à Madagascar comme le fait en ce moment Monsieur Pflug. Vous nous avez déjà parlé à plusieurs reprises de, de la douceur de vivre dans ces contrées lointaines, et je me demande si vous auriez plaisir à les retrouver. Eh bien, j'aurais plaisir à les retrouver si on pouvait les retrouver. Malheureusement, je crois que la situation a évolué. Et cette douceur de vivre dont je vous parlais, évidemment, là-bas, il y a autre chose. Il y a les moustiques, il y a la malaria et toute la séquelle des maladies coloniales dont nous parlait tout à l'heure Monsieur Pfluger. Certes, on meurt à Madagascar aussi bien qu'ailleurs, je dirais même mieux qu'ailleurs, car on y meurt plus vite, ce qui, tout compte fait, est encore un avantage. La typhoïde, l'accès pernicieux de paludisme, la bilieuse, la septicémie, vous règle votre compte en quelques jours, et il arrive fréquemment que l'on doive conduire à sa dernière demeure un camarade qui, 48 heures avant, paraissait en parfaite santé. En parfaite santé, évidemment. Mais cependant, la douceur de vivre continue pour ceux qui restent en vie. Oui, cher monsieur. Ça continue parce que le soir de ce même jour, ou le matin, vous étiez au cimetière, vous êtes convié à assister à un mariage ou à fêter l'anniversaire d'un ami, son départ pour la France, l'arrivée de son remplaçant, une réception officielle à la résidence, un dîner chez un ami ou même un simple bridge. Et c'est peut-être là, je pense, selon vous, que réside principalement le charme de la vie coloniale. Oui, et puis aussi cette chose indéfinissable, mais certaine, qui fait qu'on a l'impression là-bas qu'on vit d'une existence qui n'est pas votre existence normale, qui n'est pas la vie banale de tout le monde. C'est un peu comme, je sais pas moi, quand on rêve, on sait que le rêve prendra fin et qu'on reprendra bientôt contact avec la mère réalité, alors on se hâte de rêver. L'insurrection de 1947 précède de 6 ans la défaite de la France en Indochine et le début de la guerre en Algérie. Près de 700 personnes seront transférées au bagne de Nosy Lava, île située au nord-est de Madagascar. La résistance, les arrestations et la répression dureront environ un an. Mais la colonie n'a plus qu'à compter ses jours. L'indépendance est bien pour demain. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golland. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres.